La tourne silence. The Oscar goes to Jean Dujardin, the artist. Et le César du meilleur premier film est attribué à... Parce que si je voulais me lancer dans la psychanalyse, j'ajouterais que c'est le roi des cons. Salut à tous et bienvenue dans Toiles et Sillons, j'espère que vous allez bien. Toiles et Sillons, c'est l'émission qui écoute le cinéma. Chaque semaine à la radio, on écoute des bandes annonces, des musiques et des chansons de films. On regarde la bande sonore du cinéma. Vous le savez, on se retrouve aussi sur internet, sur le site toilesetsillons.fr, où vous pouvez retrouver les émissions à écouter en direct, à télécharger ou bien vous abonner au podcast pour n'en manquer aucune. toilesetsillons.fr, on se retrouve aussi sur Facebook, sur la page Toiles et Sillons, n'hésitez pas à cliquer sur j'aime. Aujourd'hui, on va partir dans l'univers de Coluche. Coluche, le comédien de cinéma. On va passer une heure avec lui. On va commencer avec l'un de ses premiers films en vedette, sinon son premier film en vedette, L'aile ou la cuisse, en 1976 avec Louis de Funès. Et puis on restera avec Claude Zidi, puisque nous aurons l'inspecteur La Bavure, son César pour Ciao Pantin, Le Maître d'école, encore un film de Claude Berry, et puis on ira avec Gérard Oury, et La Vengeance du Serpent à Plumes, et la musique de Michel Polnareff. Le film qu'il a réalisé, Vous n'aurez pas l'Alsace et la Lorraine, 2h moins le quart avant Jésus-Christ, c'était avec Jean-Yann, et un autre film de Claude Zidi, Banzai, et le film de Bertrand Blier, La femme de mon pote, un film qui était à l'origine écrit pour Depardieu et Patrick Devers. Une heure avec Coluche, le comédien de cinéma, c'est ce que vous propose Toiles et Sillons aujourd'hui. C'est parti. Ne cherchez pas midi à 14h, car il y a un point sur lequel tous les Français sont d'accord, il y a la bonne bouffe et la mauvaise bouffe. Il y a restaurant et restaurant. Je m'explique. Il y a du chemin et tricatelle. Si ce n'est pas clair dans votre esprit, je répète. Il y a du chemin qui donne des étoiles et des fourchettes et tricatelle qui sert de l'essence en guise d'apéritif. Quand on a mal mangé, on n'est pas content, mais on ne peut rien faire. Alors, quelqu'un va le faire pour nous. J'ai nommé... J'aimerais passer ma commande, s'il vous plaît. J'ai nommé Louis de Funès. Ah, excuse me, but I have reserved one table for me. I am Mr. Young. Et quelqu'un va l'aider. D'accord, au début ça va être dur, très dur même. J'ai nommé Coluche. Vin soi-disant du sud de la France, composé en fait d'un tiers de vin italien, d'un tiers de vin grec, et le reste de colorants et produits chimiques. Vin que M. Tricatel donne chaque jour en abondance à sa nombreuse clientèle. Attention, ça tâche. Mon fils, je crois que ce Tricatel, je vais me le payer. Oui, ben mon stylo aussi. Tricatel. Les comptes vont se régler. Pas dans le journal, pas à la télévision, pas au Parlement. Ici, au cinéma. Oh, docteur, oh. Je pense à... t'as l'air d'aller mieux, papa. Je crois qu'on peut passer. Effort qui suppose une forme physique absolument parfaite. Allez. Vous devez manger tout! Vous avez compris? Tout! Ça tout le monde sauf pas vous. Eh ben chérie, tu vas pas t'évanouir. Maman ! Michel ! J'ai reçu ! Oui, non, assez. Mais j'ai retalé ou j'ai reçu ? J'ai tout, ça y est. Regarde, maman. Ça y est, papa, le petit a réussi. Il est inspecteur. Monsieur, c'est l'élégance, hein. On va essayer de se tirer. J'ai le patron tout de suite. Bienvenue à la PJ. Merci, monsieur le directeur. Non, je me présente, t'es Antoine Collard, le roi du polar. Tu crois que t'es beau, toi? Ah bah non, mais moi je suis dans la police, ça, n'a ouais. Dis donc, tout le monde peut pas être ennemi public numéro un, hein. Il faut une gueule, un physique, on a sa photo accrochée sur tous les murs, comme une star. Ah ah chef, chef. Envoyez sur place toutes les voitures disponibles. On va arrêter Roger Morzini. Vous allez faire la petite fille. La petite fille, vous allez vous allonger avec le violeur et faire la petite fille. Enfin, toi, refaire ce que tu as fait. Hein? C'est lui, la petite fille. La petite fille. Ah, coucou. Me revoilà, mon Michelou. Hein? souris. On est un couple. Hein? Allez, avance, avance, parce que ça, c'est un revolver. Et je fais de la protection approchée. Eh ben, allez la faire ailleurs. Ah, ben, vous êtes marrant, vous. J'ai des ordres, moi, et dangereux, ce mec-là. Et alors? Mais c'est ce qui m'excite. Si vous me voyez entouré de flics, vous croyez qu'il va sortir de son trou? Il peut commencer à compter la monnaie, en petite coupure. Hein. Normalement, article 417 du code pénal, j'ai droit à... T'as droit à ça? J'ai pas le droit non plus, ça, dans le code pénal, normalement. Elle me reconnaîtrait pas, ma mère. Hein? Mais même si tu m'avais fait la tête de Frankenstein, elle me reconnaîtrait, ma mère. T'entends? Combien de sucre avec le thé? Un ami de Rachid. Ouvre. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce qu'il y a? Ça me tape pas la tête? Mais qu'est-ce que tu me veux? Je vais te parler de Ben Soussan. Quel Ben Soussan? Tu connais pas? Viens, viens là. Pas faire un tour. Tu connais pas Ben Soussan? Mais fais pas chier, je t'ai dit que je connais pas de Ben Soussan. Bouge pas, Mamoule. Bouge pas. Qu'est-ce qu'il a, ton manteau? Il est brûlé? Mais c'est pas moi ce manteau, c'est un copain ça. Ah oui? Il a brûlé dans une station-service ce manteau. Et tu sais qui c'est le mec qui était dedans quand il a brûlé? Non, non, je t'ai dit. C'est toi, Mahmoud. C'est toi. T'es un poulet? Non. Mais qu'est-ce que tu me fais chier alors? C'est Rachid qui t'a donné l'ordre de descendre Ben Soussan? Je sais pas de quoi tu parles. Ah ouais? Ah! Arrête! Arrête, t'es con quoi? Ah! On voulait pas le tuer. Ah, tu voulais pas le tuer, Mahmoud, hein? Mais il est mort. François. Il y a des rêves qui s'embrument, des envies qui se balancent et des moteurs qui fument. Besoin d'un voyage à défaut d'amour, besoin de se perdre plutôt que souffrir. Besoin de courage à défaut de bravoure, besoin d'exorciser la violence d'un souvenir, besoin d'un virage à défaut d'un détour, besoin d'accélérer plutôt que s'enfuir. Quand l'air mort grille le cœur, quand la mort fait trop peur, la ville qui se referme, y a de l'alcool dans les veines, du feu sous l'épiderme, de la poudre aux yeux qui traîne. Besoin d'une image à défaut d'un discours, besoin de bouger plutôt que subir, besoin d'un peu d'humour à défaut d'un message, besoin de se défendre plutôt que gémir, besoin d'éclairage à défaut du jour, besoin d'une amitié plutôt que se démolir. C'est quand on est... Monsieur, monsieur, pourquoi on va manger des yaourts fruités? Monsieur, monsieur, c'est vrai qu'avant c'était mieux. Monsieur, monsieur, c'est quoi un complexe? Dieu, si on n'allait plus à l'école. Monsieur, vous seriez chômeur. part, vos enfants sont des crétins, c'est à vous qu'ils le devront. Ça, partout où je passe, ça saute. J'aurais juste parlé de toi, de tes yeux, de ton petit nez, ta petite bouche. Vamos, muchachos! Zénith, ça. Tu sais où c'est? Tu trouves, oui ou non? C'est le troisième carrefour à 2500 km après le feu rouge, à gauche. On dirait que dès que tu sors de France, tu deviens plus con que les Français. Combo là! La violence est partout. Ce mec, je t'ai dit, j'en ai plus rien à foutre. Allez-y! Ces orgies grotesques duraient toute la nuit. Le renard fait coin-coin. Et le canard qui s'était trompé parce qu'il avait cru que c'était une vache. Alors, c'est mieux. Alors, les corbeaux. Eh, les corbeaux, là. Qu'est-ce qu'ils font, là, les corbeaux? Allez, chut. Allez coucher. Les corbeaux. Ouais, c'est ça. Les corbeaux. Et... Bon. Vous voulez que je chante une chanson? Ça va vous déranger, mon ami. Une petite chanson. Oh non. Bon. Vous voulez ou vous voulez pas? Oh non. Bon. Pour faire plaisir. À demain, ma mère. Je vole au secours d'innocents. campagnes, les eaux de la poudre. Je vais, je vole plus vite que la foudre. Mon épée prête à sévir, l'ennemi n'a qu'à se tenir. Des chats que je suis respecté, du paysan au chevalier. On m'appelle le chevalier blanc, je vais et je vole au secours innocent. Dans la campagne, réseau de la poudre, je vais et vole plus vite que la foudre. Mon épée prête à servir, l'ennemi n'a qu'à se tenir. Des chats que je suis respecté, du paysan au chevalier. On m'appelle le chevalier blanc, je vais et je vole au secours innocent. Sans toi ma tête fut mise à prix, jamais personne ne m'a pris. Personne ne me fait ma peur, j'ai pour moi la force et l'honneur. La justice est qui de mon bras, jamais rien ne l'arrêtera. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. L'événement du jour, c'est évidemment la somptueuse fête donnée par le puissant César en l'honneur de la divine Cléopâtre. Ce spectacle restera dans les annales de Rome comme un des plus grands événements du règne de César. Laissez passer le puissant César. Oh, mais c'est lui, c'est l'assassin. Garde, arrêtez-le, il est armé. Eh ben je dis qu'on devrait profiter que César est là pour lui faire savoir qu'on en a marre. Il faut désigner un responsable. Un homme à poigne, qui a pas froid aux yeux et qui va aller lui dire là-haut. J'ai pas de client parce que je suis moins con que toi, moi. Je m'arrête à midi pour aller bouffer. Tu peux pas me redire ça un peu? Pour voir si ça me passe. Je vais me gratter. Tu crois que tu me fais peur, gros sac? Gros sac, quoi? Alors qu'est-ce qui se passe? Mais c'est cet abruti qui bloque la rue depuis une heure. Oublie comme. Tu veux pas lui expliquer que les courses de chars, c'est tous les dimanches au cirque? Mais je vais t'y emmener au cirque. Alors toi, tais-toi, hein. Mesdames et messieurs, bonsoir. Ici le cirque de Harep Loukoum, où dans quelques instants, nous allons vous transmettre en direct les jeux du cirque offerts par le tout-puissant César, maître incontesté de l'Occident, à la divine Cléopâtre, reine d'Égypte, 1m72, 47 kilos, fille d'Aménophistophélète de la 18e dynastie et de son épouse Édorsis. Centurion, dit Curio, garde! À moi, arrêtez-le! C'est un voyou qui veut m'assassiner! Arrêtez-le! Ah oui, arrêtez-le! Au cachot! Excusez, c'est pas moi! Monsieur César, je vous assure! Au cachot, au cachot, pas... à l'arrêt! C'est au lion! Ah non, non! Non, merde, ça, c'est plus possible. Ah non, là, je suis pas d'accord. Ben, accepte au moins de venir la voir. Pourquoi, elle est où? Dans mon lit. Comment? Dans mon lit. Il y a des filles qui sont pas dérangeantes. Mais je suis pas son copain, je suis son ami. Nuance, je suis même son meilleur ami. Tu vois? J'ai une énorme influence sur lui. Il ne prend aucune décision importante sans me consulter. Et notre amitié remonte à 10 ans déjà. Et personne n'a réussi à nous séparer encore. Même une femme? Même une femme, oui. Ah, des femmes, il y en a qui passent. Elles entrent, elles sortent. Et nous, on reste ici, on bouge pas. Tu vois? On les regarde s'éloigner. En tout cas, ce que je peux te dire, c'est que c'est complètement con de rester comme ça à poil en plein soleil, sous prétexte d'épater une gonzesse avec des pectoraux de savoyard. Babe, I'm an addict now. T'en es vraiment sûr qu'elle est amoureuse de lui? An addict for ta gueule. Tu serais pas en train de tomber amoureux de moi par hasard? Bah, t'es givré, toi. Pourquoi? Ça serait pas un crime? Oh. Ah, ça serait pas un crime. Écoute, Pascal. Les choses sont extrêmement simples. C'est pas la peine de tourner autour du pot pendant des heures. J'emmène Viviane chez moi, voilà. Pascal! Oui. Je voudrais l'oreiller de Viviane. L'oreiller de Viviane? Pour quoi faire? Bon, écoute, cherche pas à comprendre. Il y a des choses qui t'échappent et qui t'échapperont toujours. Alors tu vas me chercher l'oreiller de Viviane et puis c'est tout! Ah ouais, foutu une de ces trouilles! Oh les cons! Oh les cons! T'as vu? Tu veux que je te prépare ton petit scotch? Ah bah volontiers, ouais. Tu veux que j'aille te chercher des pantoufles? Eh ben j'ai comme l'impression que vous allez me faire une belle paire d'enfoirés, tous les deux. Hein? Hein? Vous croyez pas que je suis en train de faire une énorme connerie? Every time I stop a while, think about your sweet smile. I can't do nothing else all day. Wait that you wink your eye every time you walk by. Baby, what can I say? Hanging on, I can't get nothing else on. When the evening rolls around and there ain't nobody around, baby, I think of you. Stars at night, none can match a brilliant light that I see in your eyes. A humble warmth of glow, baby, child, I know. I still think of you. Get nothing else on. If I could hold you just one time, stop that moment in my mind. Le monde est un vaste bouillon de culture purulente. Alors, du Kenya, tu ramènes la gangrène. En Turquie, il y a les prisons. En Afrique, t'as les amibes. En Amérique du Sud, la malaria. Tu vois, vraiment, il n'y a que chez soi qu'on est en sécurité. Eric, Black Man. Oui, Planète Assistance, je vous écoute. Ici à Bollet, 640, on va être vite. Au moment où le chirurgien débile allait vous couper le bras alors que c'est l'autre que vous avez une malade. On arrive, hop, bazar. Il est dans quel pays, votre client? Colombie. Alors, ça le démange un peu partout, il a des picotements au niveau de l'abdomen et des petits points aigus derrière les yeux. Oui, c'est ça. C'est la chiasse. Bon, je te le passe, tiens, c'est pour toi. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a rien, c'est Marcel qui fait le con. Écoute-moi! Oh. Ah. Vous avez vu comment on fait, hein? Les papiers, pour les papiers, on s'en fout, hein? Du moins qu'on a le pied, on s'en fout, hein? Allez, hop. Ah. Superman, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Attendez-moi! Ici la bonne naissance, 74 652. Eh bien, d'abord parce que j'ai jamais pris l'avion, j'ai horreur de ça, je vais pas commencer maintenant. Seulement en cas de nécessité, monsieur. Bordeaux ! Vladimir Kosma, qui avait composé la musique du film Banzai de Claude Zidi. Vladimir Kosma, l'un des grands compositeurs de comédie en France dans les années 70-80. Et c'est avec lui aussi que nous allons nous quitter, puisque nous arrivons à la fin de ce Toiles et Sillons. J'espère que vous avez passé un très bon moment à l'écoute de l'émission qui écoute le cinéma. Je vous rappelle l'adresse du site internet toilesetsillons.fr. Toutes les émissions depuis la première s'y trouvent. Vous pouvez les écouter en direct sur le site, les télécharger pour les emmener partout avec vous, ou vous abonner au podcast pour n'en manquer aucune. Et on se retrouve aussi sur Facebook, sur la page Toiles et Sillons. On se quitte avec l'un des derniers films tournés par Coluche avant son décès. C'est encore un film de Claude Zidi. Il n'était pas la vedette de ce film, puisque c'était Thierry Lhermitte, Gérard Jugnot et le grand Michel Serrault. Il s'agit des Rois du Gag. Je vous laisse avec l'un des Rois du Gag, Coluche, et on se retrouve très vite pour un nouveau Toiles et Sillons. D'ici là, portez-vous bien. Salut. Jean Dujardin, the artist. Et le César du meilleur premier film est attribué à... Parce que si je voulais me lancer dans la psychanalyse, j'ajouterais que c'est le roi des cons.